chaussée déparle des monts. Je me réveille en criant ton nom. Hey Yula, hey Yula, hey Yula, hey Yula. Je ne pourrai jamais t'oublier. Non, jamais plus de nuit sans crier. Hey Yula, hey Yula, hey Yula, hey Yula. Reviens vers moi, tu fus pour moi l'enfer et le paradis. Entends ma voix qui t'appelle et supplie. Hey Yula, hey Yula. J'ai tant, oui, tant besoin de toi. Ton nom qui revient comme un refrain ne me quittera plus, je le crains. Hey Yula, hey Yula. Oh, je t'en supplie, reviens vers moi. Quoi devenir fou? J'entends ton nom, je te vois partout. Hey Yula, hey Yula, hey Yula, hey Yula. Reviens vers moi, je ne pourrai jamais, jamais t'oublier. Comme un démon, j'ai envie de crier. Hey Yula, hey Yula. J'ai tant, oui, tant besoin de toi. Je suis possédé par le démon. Je me réveille en criant ton nom. Hey Yula.